Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? Ta source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. À marche lente, s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Et mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle. Pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. Pèlerinage me fait toujours peur. Bonjour messieurs, mesdames et personnes non binaires. Aujourd'hui, podcast spécial pour parler donc du GN, le dernier chemin de Compostelle qui a lieu à Ambon, Bretagne, le week-end du 10 et 11 septembre 2022 là. Donc c'est un week-end de 2 jours avec du coup la nuit compris. Hein, donc vous pouvez camper sur, y a possibilité de camper sur place ou alors si vous êtes un peu plus comment si vous avez besoin de plus de confort évidemment vous pouvez chercher des solutions de logement à l'extérieur. Hein, on peut quitter le GN pour la nuit, il n'y a pas de souci. Et donc on a décidé en fait de faire une petite une petite émission pour parler un petit peu des rôles des PNJ et puis aussi des PJ, de ce qu'on prévoit en fait lors du GN, le dernier chemin de Compostelle. Et donc l'idée c'est de partager ensemble de façon un peu informelle nos questions, nos remarques, nos attentes ou nos conseils hein, donc, pour jouer à ce GN randonnée qui est aussi un GN impro hein, puisque c'est une session du jeu Les Centes. Donc Les Centes, c'est un GN rejouable. Hein. La tagline c'est Drame forestier dans une réalité sorcière. Et donc c'est un GN impro avec plein de petits matériels pour créer son personnage et pour improviser des scènes. Cette session, donc ça se passe dans un Moyen Âge alternatif, donc avec un pèlerinage de Compostelle, mais sachant que le monde a été envahi par la forêt, on n'a plus tellement de nouvelles de la basilique de Compostelle, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, et donc on va jouer la toute dernière étape. Donc il y a plusieurs communautés de pèlerins assez diverses hein, dans leur style, qui parcourent le chemin et qui vont faire à la fois des rencontres. Un peu bouleversante, et puis aussi qu'ils vont découvrir des lieux étranges avant de peut-être arriver à cette fameuse basilique de Compostelle qui serait désormais enfouie sous les arbres. Et donc j'ai avec moi Juliette et la Horse. Merci beaucoup pour votre participation. Dans un premier temps, je vais peut-être juste vous laisser vous présenter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur vous, quoi? Qu'est-ce qui vous amène dans cette émission, quoi? Je sais pas, Juliette, vas-y, si tu veux. Alors, tout le monde. Juliette, je fais du GF dans l'univers de Trac. Et j'ai jamais participé à une émission comme ça, donc j'étais très curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Et je suis donc inscrite avec ma fille en PNJ sur ce jeu. Ouais, Donc, moi, je m'appelle Lors. J'ai participé à plusieurs GN, dont essentiellement, enfin, celui auquel je participe le plus souvent, c'est un Mass LARP, les Légendes d'Iboré. Et c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu le pitch de ce GN-là, ça m'a donné envie de m'inscrire comme joueur, parce que je le trouvais assez inattendu, en fait, sur plusieurs aspects. Donc voilà, du coup, ta particularité, la horse, c'est que finalement, tu vas pas, tu devais être PJ en fait sur Compostelle, mais tu vas pas pouvoir jouer. Mais du coup, tu vas quand même te projeter, tu vas un peu nous projeter ce que t'attendais, puis ce que t'espérais sur ce GN, quoi. Oui, tout à fait. J'ai des copains qui ont décidé de faire un GN mariage finalement ce week-end-là. Alors c'est bien aussi, hein, je suis super content pour eux. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, ça ne pouvait pas plus mal tomber. Mais bon, il y aura d'autres occasions, je pense. Donc, du coup, Moi, oui, vas-y, Juliette. Ouais. j'ai eu les informations par mail, j'étais inscrite sur votre liste, et dès que j'ai eu les informations, je vous ai tout de suite contacté. Moi, dans mon travail, je connais assez bien le Moyen-Âge, et j'ai trouvé que la présentation de votre jeu était très intéressante, je suis vraiment ravie de pouvoir découvrir votre univers. Y participer en tant que PNJ, faire découvrir à ma fille de 12 ans aussi, de 12 ans et demi, le GN, et voir un petit peu ce que vous pouvez faire de la fin du 12e siècle en Espagne, ça m'intéresse beaucoup. Super. Et ben pour commencer en fait, donc ce qui est intéressant là, c'est que du coup on a deux profils, on va dire entre guillemets dans le cadre de cette session, on a plutôt un profil PNJ avec Juliette et plutôt un profil PJ avec Laorsk. Du coup, je voudrais commencer avec une petite question pour toi Juliette. Parce que c'est vrai qu'en GN, bon, les PNJ, c'est quand même assez important. Bah, moi, j'avoue que d'habitude, je m'en passe, parce que normalement, les centres, c'est un GN sans PNJ, mais là, au contraire, on a voulu faire avec beaucoup de PNJ, il y a beaucoup de rencontres sur le chemin, des groupes de PNJ assez divers. Et qu'est-ce que tu. Comment tu vois le rôle de PNJ, en quoi c'est différent d'un rôle de PJ, en quoi c'est également aussi intéressant parce que j'ai l'impression, j'ai encore pas vu beaucoup d'émissions sur les PNJ, c'est pas forcément quelque chose qu'on met beaucoup à l'honneur, alors que c'est vraiment important des fois pour la réussite d'un GN. Donc voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire toi sur le rôle de PNJ? Alors déjà, pour moi, PNJ, je trouve que ça fait pas vraiment honneur aux personnes qui vont incarner donc un peu ces aides de jeu orga, tout en incarnant bien évidemment un personnage. Nous, on appelle ça les personnages scénarios. Ils n'ont pas des PJ, des personnages joueurs. On n'aime pas le nom du non-joueur. Donc pour moi, les PNJ, hein, puisque c'est comme ça que vous les appelez, c'est des rôles qui sont essentiels. Qui à la fois il peut faire preuve de pas mal de souplesse pour pouvoir aller dans le sens du jeu et être en capacité d'identifier les choses à faire pour que tous les joueurs et les autres PNJ, les joueurs et joueuses bien évidemment, puissent avoir un plaisir de jeu. Donc je pense que c'est extrêmement important. J'ai participé à plusieurs GN où il y avait ou pas beaucoup de PNJ ou plein de PNJ. Ça demande un gros travail de la part des organisateurs et des organisatrices. De gérer les PNJ et j'ai l'impression que dans votre jeu, il y a déjà beaucoup d'informations, donc on n'est pas vraiment perdu. On sait à peu près à quoi on va s'attendre. Bah pour compléter ce que tu dis, en fait, il y a plusieurs choses. Au niveau du plaisir de jeu, bon, alors c'est. Je pense, alors, j'aime bien ton terme de personnage scénario. Bon, c'est vrai qu'on a gardé PNJ, bah, tout simplement pour que les gens comprennent de quoi on parle, parce que ça reste le terme le plus utilisé, même si je vais dans ton sens en disant qu'on pourrait trouver mieux, évidemment. On a essayé de maintenir un plaisir de jeu. Bon, c'est vrai que PNJ, on va demander sans doute un peu plus de roleplay théâtral qu'un PJ, quoi. C'est vrai que c'est quand même, on va dire, des joueurs, des joueuses qui sont vraiment au service du scénario, quoi. Donc, y a très certainement un peu plus de roleplay théâtral qui est demandé. Mais alors déjà, ça peut vraiment faire partie du plaisir, hein, je pense, ce côté théâtre. Et de l'autre, l'idée, c'est que on a voulu laisser aussi une marge d'appropriation, c'est-à-dire que moi je donne en tant qu'orga, je vais donner effectivement des grandes lignes de force, quoi, sur un petit peu le rôle de chaque PNJ, en quoi consiste une rencontre, à quoi ressemble le campement, vite fait. Mais après, l'idée c'est que vous ayez une grande marge d'appropriation. Il y a beaucoup de blancs à remplir, quoi, et donc l'idée c'est que vraiment vous appropriez le truc. Il y a un Discord aussi pour les PNJ pour qu'ils puissent se calibrer entre eux. Donc voilà, ça c'est important. Et puis aussi, l'idée c'est que vous avez une fiche de personnage qui est en fait la même fiche de personnage que des PJ, c'est-à-dire qu'elle est aussi complexe. Et en fait, entre deux rencontres, vous pouvez faire du roleplay entre vous. Vous avez votre communauté, c'est-à-dire que c'est des communautés de 3 ou 4 PNJ et qui ont en fait leurs histoires entre eux et tout, qui ont des objectifs qui vont au-delà de juste animer des rencontres. Et puis, il y a un moment de quartier libre, en fait, le samedi soir, où là, bon, si tu peux incarner un pèlerin, mais c'est plus vraiment un PNJ, en fait, t'es un PJ, quoi, t'es un PJ d'un soir. Et en fait, ce rôle de pèlerin, tu vas l'endosser, en fait, dès que t'as fini tes rencontres. C'est-à-dire que les PNJ qui sont vraiment au début du chemin, ben, en fait, au bout d'un moment, ils auront vu tous les PJ. Il y a trois départs de PJ alternés, quoi. Et donc, une fois qu'ils ont vu tous les PJ, ils peuvent passer, eux-mêmes mettre un costume de pèlerin et puis faire la suite du pèlerinage et donc rencontrer les PNJ suivants sur le chemin, quoi. Et le soir, ben, ils vont continuer à incarner un pèlerin, quoi. Et donc, ça veut dire que le soir, potentiellement, ben, il n'y a plus vraiment de PNJ, quoi. Tout le monde est PJ en réalité, quoi. Alors, justement, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la démarche PNJ, ce que je n'ai jamais fait, hein. J'ai toujours été warga ou joueuse. C'est parce que, justement, je trouve que sur votre proposition du jeu, il y a un réel intérêt à PNJ, ce qui n'est pas toujours annoncé de cette façon-là, sur d'autres GN auxquels j'ai pu m'inscrire, où on s'inscrit en joueur, et là, il y a des règles, il y a des informations, il y a des groupes, et sinon, on s'inscrit en PNJ, et on a juste une phase qui est réduite. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de proposition de groupe, hein, il n'y a pas de communication en amont. Alors que là, quand moi je me suis connectée sur votre site internet, j'ai tout de suite eu plein d'informations sur les PNJ. Et c'est vraiment ce qui m'a motivée à m'inscrire, à faire une demande d'inscription en tant que PNJ. Après aussi, parce que je venais avec ma fille qui a 10 ans et que je n'acceptais les enfants qu'à partir de 16 ans normalement, que je me suis dit que c'était peut-être plus approprié pour ce GM-là, en tout cas, de venir avec elle, puisque je n'ai pas de possibilité de la faire garder. Sinon, je pense qu'il y avait peut-être une chance quand même que je m'inscrive en joueuse toute seule. Mais c'est une expérience qui m'attire énormément et je suis ravie que vous ayez accepté ma participation. L'intérêt des PNJ, c'est que normalement, quand tu es pèlerin, tu vas beaucoup marcher, quoi. Et en fait, les PNJ, ça dépend, il y en a certains qui sont nomades, mais il y en a beaucoup en fait, qui sont sur un campement. Et donc, l'avantage, c'est que si on ne peut pas trop bouger, marcher, eh bien, on peut quand même jouer justement en faisant partie des PNJ, quoi. Alors, effectivement, oui, moi, ça conditionnait un petit peu aussi, puisque depuis récemment, j'ai des problèmes pour me déplacer. Donc, du coup, je vous ai aussi contacté dans ce sens et j'ai trouvé qu'il y avait un accueil absolument parfait pour des personnes à mobilité réduite, hein, et c'était encore plus encourageant pour s'y inscrire. Merci beaucoup Juliette pour ce premier développement. Du coup, je voudrais me tourner un peu vers la Horse. Donc toi, tu avais prévu d'être PJ. Comment tu te projetais au départ? Enfin, comment tu voyais un petit peu le GN? On va voir si on a bien communiqué notre note d'intention ou si je t'ai vendu du rêve qui n'existera pas, quoi. Non, je pense pas quand même, ou alors peut-être moi qui ai mal compris. Non, moi ce qui m'a intéressé en fait dans le GN, il y a vraiment plusieurs choses en fait. Le côté itinérant est structuré dans l'itinérance, c'est-à-dire que C'est pas juste on te balance dans la forêt et débrouille-toi. Si tu croises des PNJ, tant mieux. Si tu te plantes de chemin, tant pis. Tu avais ce côté vraiment progression, chemin, voyage, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant. Du coup, je vais te couper une première fois. Ouais. Parce que, en fait, là, pour le coup, je vaut mieux que je l'annonce. Normalement, ça va être difficile de se perdre. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin est fléché. Donc, on n'a pas. Après, si tu t'amuses à faire du hors-piste, ça peut être. Mais en fait, l'idée, c'est que non, c'est à peu près balisé. Et notamment, ça nous permet de. Comment? Ça nous permet de faire un chemin relativement long, alors qu'en fait, on a un espace de jeu qui n'est pas si grand que ça. C'est une forêt qui fait 13 hectares. Et en fait, nous, on a fait des chemins un peu tournicotés. Ce qui fait que toi, quand t'es PJ, tu vas un peu marcher. Enfin, normalement, il y a une heure de marche aller, une heure de marche retour. Alors après, quand tu rajoutes toutes les rencontres, les lieux et tout, il faut 3 heures pour faire le chemin, mais tu marches que pendant 1 heure, quoi. Mais en fait, en réalité, tu vas beaucoup piétiner, quoi, parce que tu fais un chemin biscornu, quoi, limite des boucles hein, par moment, quoi. Et alors que, en fait, l'idée c'est que pour les orgas, en réalité, nous on peut aller facilement d'un lieu à un autre, parce qu'à vol d'oiseau c'est rapide quoi. Et de même que si quelqu'un a un problème, on peut rapidement l'exfiltrer quoi, parce que tout est à vol d'oiseau, tout est proche l'un de l'autre quoi. Ah justement, c'était vraiment une des choses que moi j'avais trouvé intéressante, c'est que à la fois ça me donnait l'impression quand même d'être immersif dans le sens où tu marches en forêt. Tu as en tout cas l'impression d'être sur un chemin qui est assez long et où c'était quand même clairement indiqué effectivement que en cas de pépin, tout est hyper proche. Il y a pas non plus le risque de rester coincé dans un chemin creux quoi. Bon ça je trouvais ça. Parce que des GN où on se perd dans la forêt, ça, on en trouve, on va essayer de pas en faire partie quoi. Ouais, voilà, ouais, ça, c'est toujours le risque. Hein. Mais non, ça déjà effectivement ce côté itinérance, je la trouve intéressante. Et puis après, moi, il y avait un. De toute façon, il y a plein de trucs que j'ai trouvé intéressants sinon je ne me serais pas inscrit. Mais déjà, la thématique, parce qu'en fait, je trouvais ça à la fois osé, pertinent de poser un GN dans un univers en fait chrétien. Parce que, alors c'était bien précisé et tu avais très bien fait, hein, que c'était ni une critique ni une apologie de la religion, mais que voilà, c'était le socle commun. Et en fait, ce que je trouve intéressant pour les joueurs, c'est que ce socle commun, qu'on le veuille ou non, on l'a, parce que cet héritage-là, il est quand même vachement présent encore aujourd'hui. Hein, donc ça a ce côté à la fois de te permettre un voyage imaginaire avec de la sorcellerie, avec tout ce qui va avec, avec des croyances et tout ce qui va avec, mais dans des croyances qui sont quand même malgré tout déjà plus ou moins connues par à peu près tout le monde. Donc tu n'as pas à t'imaginer tout un panthéon, à te représenter des divinités, des choses comme ça, tu pars un peu du réel pour aller vers le truc complètement, complètement imaginaire. Ça, je trouve ça assez, assez pointu comme postulat de base, en fait. Bah, disons qu'on a des figures... on n'exploite pas... Compostelle, ça reste un GN très, très léger en termes d'univers, quoi, et en termes d'historicité, on va en parler un petit peu avec Juliette, hein. Y a très peu d'informations historiques, et de même que sur le folklore chrétien, on rentre pas vraiment dans les détails, quoi. Il faut pas connaître une vingtaine de saints différents, même genre, t'as pas du tout besoin de connaître la vie de Saint Jacques de Compostelle, le fameux saint qui a inspiré le pèlerinage. T'as pas du tout besoin de connaître sa vie, c'est pas du tout évoqué dans la note d'intention, c'est pas important du tout dans ce GN là, mais on va plutôt jouer sur on va dire les grands axes, les grands schémas, quoi. C'est-à-dire le fait que les gens croient en Dieu, ou en tout cas font avec la présence de ce Dieu, quoi, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, d'ailleurs, hein. Avec la présence du diable aussi, donc il y a la rumeur que le diable route sur le chemin, avec évidemment aussi les antagonismes avec le paganisme et aussi avec la sorcellerie, la magie noire. Bon, on est loin de l'époque de l'Inquisition, hein, mais disons que on commence à être Je pense que ça commence à être une époque où le paganisme, ça commence vraiment à être derrière les gens. On a par contre les hérésies, et puis on a effectivement le entre guillemets la sorcellerie qui va prendre le relais ensuite, quoi. Alors je fais sans doute des gros amalgames, mais c'est un peu volontaire dans le sens où on a des grandes lignes de force qui sont effectivement bien connues et qui sont l'objet de beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections. Et donc c'est vraiment voilà, effectivement, pour laisser les gens laisser l'imaginaire vagabonder sur ces grands sujets-là, quoi. Mais du coup c'est là que je voulais un peu discuter avec Juliette, parce que comme tu l'as précisé, tu connais un peu l'histoire du Moyen Âge. Bon voilà, moi j'ai fait un comment? J'ai fait effectivement une base qui est quand même très légère au niveau de l'historicité. J'ai aussi précisé que c'était une uchronie, donc ce qui permet aussi d'évacuer pas mal de problèmes, voilà, de respect de l'histoire. Mais néanmoins, on a intérêt de comment on a tout intérêt en fait à s'inspirer de l'histoire, bah, tout simplement si ça sert notre histoire, si ça sert la narration, si ça apporte du jeu. Et donc effectivement, quand il y a des gens comme Juliette qui participent au jeu et qui peuvent amener un petit peu leurs connaissances, bah, c'est vraiment toujours bon à prendre. On avait commencé à discuter avec toi, Juliette, il y a peut-être un entretien qui sera diffusé plus tard. Mais déjà, en attendant, on avait commencé, lors de cet entretien, ce qui avait commencé à émerger, c'est que ce qui nous intéressait le plus, je dirais un peu tous les deux, je parle sous ton contrôle bien sûr, mais c'était un petit peu les petits gestes, les petites croyances ou les petites pratiques du quotidien, qui sont des choses en fait qui sont faciles à incorporer dans le roleplay, quoi. Je sais pas si tu me suis, et si tu as des, et dans ces cas-là, si tu aurais des exemples en fait. Alors, je vais vous faire un exemple en même temps que tu parles. Effectivement, moi, mon histoire, même dans le cadre de mes visites, parce que je suis c'est à la base, donner des listes de dates et de personnages historiques célèbres, ce n'est pas très intéressant pour moi. Ça intéresse peut-être certaines personnes, mais c'est pas ce qui me fait flipper. Moi, c'est plus la vie quotidienne, comment pouvaient interagir nos ancêtres, hein, comment est-ce qu'ils pouvaient appréhender notamment le pèlerinage, qui est très pratiqué à pied. Donc, le gène itinérant, tout de suite, on avait tout parlé. Et j'ai trouvé qu'il y a peu de jeux qui proposent, en tout cas à ma connaissance, en France, des jeux qui sont, même si c'est effectivement complètement modifié, qui sont sur une base très légèrement historique. Donc, on a toujours une image un petit peu du Moyen-Âge assez figée, avec tout le monde qui est chrétien et personne qui sort du rang. C'est un petit peu plus compliqué que cela, puisqu'il y a des petites traditions familiales et locales qui vont continuer à être gardées. Et d'ailleurs, l'Église chrétienne va mettre ses lieux de prière sur historiquement des lieux qui servaient avant à des offrandes païennes. Donc on va faire une continuité du lieu. Et on va garder tout un tas de saints, parler aux gens qui habitent dans une région précise, hein, qu'ils ne soient pas trop perdus par rapport à leurs habitudes. Les gens, quand ça fait des générations qu'ils vont prier et faire des petites offrandes à un endroit, si on leur fait déplacer 2 km, ils ne vont probablement pas se déplacer. Donc ça a servi beaucoup d'abord aux Romains, puis ensuite à l'Église chrétienne, qui a fait le même travail que les Romains, c'est-à-dire bon, garder les mêmes Les lieux. lieux de culte. Voilà, les mêmes lieux de culte. Et souvent, hein, quand on se promène, même en voiture, on peut voir des croix à des croisements de route, une petite chapelle avec quelques arbres. Bon, ben ça, probablement, il y a de grandes chances que, il y a 2000 ans, nos ancêtres venaient sur ce même lieu pour faire, alors, non, évidemment pas de prière chrétienne, hein, bien sûr, mais d'autres rituels. Et Je te coupe. effectivement, les gens sont chrétiens. Oui, vas-y. Je te coupe un petit peu pour mettre en pratique juste le point que tu viens d'aborder. Par exemple, bah dans notre GN, voilà comment on peut l'appliquer, je pense, c'est que sur le chemin, tu vas rencontrer des lieux. C'est-à-dire que sur le chemin, il y a des rencontres et il y a aussi des lieux, c'est-à-dire des clairières, en fait, à un petit peu aménagées, un petit peu décorées, sur lesquelles il n'y a pas de PNJ, et c'est juste les PJ et le lieu. Et donc, par exemple, on va rencontrer des lieux, ben, qui ont, entre guillemets, dans leur agencement, ils ont un style assez païen, quoi. Et donc là, il va y avoir souvent la question de bah, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on christianise le lieu qu'on vient de trouver ? Est-ce qu'au contraire, on essaye d'interroger les puissances païennes qui sont à l'intérieur et tout ? Donc y a ce rapport au lieu, je pense, peut être amené en jeu comme ça, quoi. Alors la différence, c'est que là, du coup, on ne parle pas de lieu de culte du quotidien, puisque c'est des pèlerins, ils arrivent sur des lieux où, en fait, qui n'ont jamais foulé auparavant, quoi. Donc il y a plus le côté découverte, mais il y a quand même cette notion de quel culte, quelle signification on attribue à un lieu quand on y arrive, quoi. Oui, tout à fait. Et ensuite, encore une fois, la religion chrétienne, c'est très tardif d'avoir des traductions de la Bible. De toute façon, tout ce qui est culte se fait en latin. Très peu de gens comprennent, parlent le latin. Donc, de toute façon, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément connues de la plupart des gens. Donc, ça, c'est assez intéressant de pouvoir se poser des questions, puisqu'effectivement, dans tous les cas, ça reste assez... Bon, voilà, on va à l'église, on va voir la messe, mais on n'a pas forcément une connaissance, comme on pourrait aujourd'hui parler de catéchisme. On n'a pas forcément cette connaissance-là. C'est plutôt des petites légendes qu'on va raconter. Ça reste assez hermétique, tout en étant quand même assez abordable d'une autre façon, puisque on fait quand même des sermons en langue locale. Donc après, là, ça se passe en Espagne. Ce sont des pèlerins. Je ne sais pas si vous avez un peu l'histoire des langues. Tout le monde parle la même langue, j'imagine, pour des raisons de facilité pour tout le monde. Mais effectivement, des consciences de région, on peut avoir des cultes complètement différents et des façons de croire en Dieu et de déplacer à l'église qui peuvent être différentes. Là, à nouveau, je vais t'interrompre, c'est juste pour extrapoler de comment on peut mettre ça en jeu. Ça veut dire une chose assez simple, c'est que du coup, il peut presque y avoir autant de religions qu'il y a de PJ, quoi. D'une certaine façon, quoi. C'est, si on part du principe qu'une partie du culte reste hermétique, réservée aux lettrés et aux clercs, quoi, et que en fait le vulgus populus, il a juste accès à la vulgarisation de la Bible et tout. Il a pas accès au texte en lui-même. Et bien chacun sans doute a vraiment sa propre projection de ce qu'est la religion. Ce que sont les codes et tout, et donc ça va pouvoir permettre de faire cohabiter des sentiments religieux très très nuancés d'un PJ à l'autre, et sans qu'on ait besoin en fait de se calibrer l'un à l'autre. Et d'ailleurs j'insiste là-dessus parce que il y a une chose qu'on a omis volontairement, c'est que il n'y a pas de rôle de clerc qui est proposé, c'est-à-dire que je propose pas de communauté qui soit composée de prêtres, de moines ou de religieuses, quoi. Les joueurs joueuses peuvent en interpréter si elles veulent, mais c'est pas du tout imposé, quoi. L'idée c'est qu'il n'y ait pas non plus trop qu'il y ait peu ou pas de clercs présents, qu'on joue surtout des laïcs, pour qu'il n'y ait pas ce truc de quelqu'un vient te dire non, tu dois faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut prier, ou c'est comme ça qu'il faut interpréter tel événement et tout. Laisser un peu plus de marge de manœuvre à tout le monde, quoi. Tout à fait, je pense que c'est quand même assez proche de l'éventuelle réalité historique, même si c'est très difficile de savoir exactement. On a peu d'écrits. On a surtout beaucoup d'informations sur les petits cultes personnels qui vont être gardés à partir du moment où il y a le protestantisme qui arrive et où il y a des seigneurs qui vont imposer à leur population de changer de religion, et on voit bien qu'ils vont garder les petits cultes à Marie, les petits cultes au saint, de façon cachée. Donc on peut aussi l'extrapoler sur le Moyen-Âge, d'avoir tout un tas de petits rituels familiaux qu'on va christianiser d'une certaine façon, tout en les gardant, et bon, ça, l'Église ne peut pas vraiment faire grand-chose contre. Je trouve ça assez juste et assez intéressant de pouvoir avoir la liberté de voir la religion un petit peu comme on l'entend. Notamment, il y a aussi un élément qui est assez important, c'est la communauté au Moyen-Âge. On ne survit pas seul, on est avec une communauté de gens. Donc, quand on décide de partir en pèlerinage, c'est classe. Clairement, c'est classe. C'est une volonté. La plupart des gens au Moyen-Âge essaieront de partir en pèlerinage, pas forcément jusqu'à Compostelle, mais à d'autres lieux de pèlerinage. Et il y a aussi une sorte de pression sociale sur le pèlerinage. sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais voilà, si le curé a dit qu'on avait fait une bêtise et qu'il fallait qu'on aille expier nos péchés là-bas, on va le faire, sinon on va être banni de notre communauté, en fait. Donc, il y a aussi tout un tas de gens qui se présentent à Compostelle ou à d'autres lieux de pèlerinage, bon, un petit peu, bon, ok, c'est de la marche, c'est cool, mais pendant ce temps-là, ben, il ne faut pas travailler, il faut qu'ils s'organisent. Donc, il y a plein de raisons de faire le chemin de Saint-Jacques ou d'autres, et pas forcément que parce qu'on a, nous, envie de le faire à la base. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça me permet de reboucler sur la Horse, qui est sur un aspect, en fait, de la création de personnages. En fait, ce qu'on a fait, c'est que donc moi, j'ai lu quelques bouquins sur Compostelle quand même pour m'imprégner du truc, en plus de la culture générale que je pouvais avoir là-dessus, et puis de vieilles références. Moi, j'aime beaucoup la BD Ramiro, enfin, qui est une vieille BD maintenant, et ça parle pas mal du pèlerinage de Compostelle justement à cette époque-là du XIIe siècle. Donc c'est un peu le bazar en Espagne en ce moment-là. Il y a la Reconquista, bon, la Reconquista ça s'étale sur des siècles, mais bon, il y a notamment la Reconquista, donc et alors que je mets pas trop en, que j'en parle pas trop d'ailleurs dans le setting, c'est un peu délicat de parler de la Reconquista. Mais il y a aussi pas mal de rois qui se font la guerre. Il y a aussi des clergés puissants comme les Clunisiens qui font un petit peu des complots et tout. Donc c'est une époque assez sauvage et notamment bah le voyage est pas forcément et quand même considéré comme périlleux quoi. On peut se faire attaquer quoi. Et alors évidemment ça dans le contexte dans notre GN, on a mis un côté post-apocalyptique, donc évidemment ce côté dangereux du voyage, il est un petit peu il est plutôt mis en avant quoi, hein. Il y a tout un tas de mauvaises rencontres qui sont possibles. Et là, donc je voulais pas. Et donc on a listé une grosse soixantaine de raisons différentes de faire le pèlerinage quoi. Du coup, il y a vraiment des motivations très différentes. Je vais vous remettre ça vite fait dans le chat le temps que je trouve. Ça devrait aller vite. Et je vais en profiter pour demander à la Horse, est-ce que tu avais commencé à te projeter, c'était sans doute un peu précoce, mais dans cette création de personnages et notamment dans l'aspect la raison du pèlerinage avec une liste de choix qui était proposée. Ouais, alors ouais, moi je m'étais lancé dans la créa parce que voilà, comme le GN me plaisait, je suis pas allé à fond de balle hein, comme d'habitude. J'ai pris la place et tout de suite après, je suis allé voir un petit peu. J'avais déjà jeté un petit œil en fait sur ce que ça proposait, les différentes communautés, etc. Et c'est vrai que alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la création de personnages, déjà, première chose, c'est que souvent, quand tu fais un GN, on te propose un petit peu de choisir une classe, ou bien un pays, ou bien une fratrie. Tu crées vraiment ton personnage en fonction, toi, de tes envies. Et du coup, moi, il y avait un bouton « Roll », j'ai appuyé dessus, et j'ai trouvé ça assez marrant de me retrouver avec un personnage effectivement tout fait, de manière un peu aléatoire. Tu me corriges si je me trompe, et avec donc sa communauté, sa mission, son destin, ses rituels et ses raisons de pèlerinage. Et la première réaction que j'ai eue, c'est « Oh, je sais pas, j'aurais pas fait ça ». Et puis, ça m'a pris à me dire « Ouais, mais attends, justement, est-ce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'aurais pas fait ça ». Et là, peut-être, ça me propose quelque chose d'intéressant sur lequel je vais devoir adapter mon expérience de jeu. Et effectivement, quand j'ai après quand même un petit peu déroulé chaque sub, en fait, quand même pour vraiment avoir un petit peu toutes les communautés, tous les rituels, etc., j'ai trouvé qu'effectivement, cette raison de pèlerinage, elle était intéressante parce que tu peux vraiment... Tu as une forme de... Je ne vais pas dire de liberté, ce n'est pas ça, mais finalement... Il n'y a rien qui est lié spécifiquement à une communauté ou spécifiquement à telle chose. Il y a plein de raisons qui le poussent. Et je trouve, effectivement, j'ai vu des raisons. Bah là, j'en ai une sous les yeux, tu vois. Une voix dans ma tête m'a dit de le faire. Ça te fait imaginer un personnage qui ne va pas être du tout le même que, par exemple, le tout premier qui est « J'ai une pénitence imposée par l'Église ». Tu ne vas pas construire ton personnage pareil, tu ne vas pas jouer pareil. Ça, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant, ouais. Je précise au cas où que En fait, t'es pas obligé d'avoir une créa aléatoire, quoi. En fait, si t'es pressé, bah voilà, tu peux créer ton perso en un clic. Mais comme tu l'as dit toi-même, tu peux naviguer dans les subs et puis du coup, t'as accès à toutes les listes. Et donc, du coup, tu peux créer, enfin, faire une création un peu plus à l'ancienne où tu vas choisir dans les listes vraiment faire un personnage. Ah ouais, c'est un complètement. personnage un peu en Lego, hein. Ah ouais, mais justement, je trouve que tu as une création de perso qui est assez intéressante dans le sens où tu peux avoir toute liberté de faire le personnage tel que tu le veux et tel que tu l'imagines, tel que tu as envie de l'interpréter. Ou bien au contraire, bah voilà, laisser ton personnage aux mains du destin et puis bah, toi, en tant que joueur, entre guillemets, te débrouiller avec ce que le, avec ce que le dé t'a sorti et puis justement te faire un GN un peu différent. Bah du coup, je vais me tourner vers toi, Juliette, parce que du coup, bah, vous aussi les PNJ, vous avez un personnage, voire deux à créer en fait. Et je sais pas si du coup, ça a commencé à te projeter dans cette partie-là du jeu, quoi. Alors, pas du tout, je suis une mauvaise élève. Actuellement, je fais beaucoup de choses. Et en plus, j'essaie de prendre le temps pour poser les petites questions que tu m'as envoyées par mail, hein, du coup, comme tu disais, qui sont Bien sûr, probablement publiées à un autre moment. Et du coup, je n'ai pas pris le temps encore de me pencher sérieusement. Et je voulais aussi le faire avec une fille, pour qu'on puisse créer donc, deux personnages comme c'est recommandé. J'ai regardé un petit peu, j'ai survolé un petit peu au moment de l'inscription. Moi, ça m'a semblé très bien fait, hein. Encore une fois, toutes les raisons possibles, hein, et avoir des personnages assez libres en termes de création pour les personnages scénarios, pardon, les personnages non joueurs. Et du coup, il va falloir que je me prenne un petit peu de temps avec une vraie connexion pour pouvoir commencer à créer un premier personnage et puis un second. sachant qu'en termes de Oui. fonctionnement, en fait, excuse-moi Juliette, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, vas-y, vas-y, continue. Non, non, vas-y. En termes de fonctionnement, grosso modo, bon là, de toute façon, on est dans la préparation, enfin on a encore le temps, hein, c'est 2 mois avant l'événement. Ça va beaucoup s'accélérer dans le dernier mois, en fait. Puisque là, en fait, 1 mois avant l'événement, il y aura un Discord qui va être ouvert pour les PJ. Sur lesquels les PNJ pourront aussi aller d'ailleurs. Il y a déjà un Discord ouvert pour les PNJ, mais je pense que pour le moment, on l'utilise pas, mais il va être pareil. On est, il va être commencé à être utilisé à la même époque, quoi, 1 mois avant. Et là, en fait, il y a le dernier mois, il commence une période un peu assez intéressante. Alors, c'est pas obligatoire, je précise bien que c'est facultatif parce que tout le monde n'a pas le temps. Mais pour les personnes qui ont le temps, eh ben, elles peuvent donc créer leur personnage, bien sûr. Et en fait, le mettre sur un listing, donc où on voit tous les personnages qui sont rendus publics. Et en fait, on peut commencer, du coup, en utilisant le Discord, à se mettre d'accord les uns les autres pour créer des liens entre les personnages. En fait, il y a des liens qui sont proposés, mais ils sont, entre guillemets, agnostiques, quoi. Par exemple, tu sais que tu veux te venger d'une personne, mais tu sais pas de qui, quoi. Et donc, pendant le mois qui va précéder le GN, bah, c'est le moment-là où tu vas essayer de mettre un nom sur ce lien, quoi. Et donc, de te calmer avec les autres joueurs joueuses. On peut se calibrer aussi sur beaucoup d'autres choses, hein, sur le campement, tout ça. Donc il y a toute une sur le dernier mois, il y a toute une effervescence qui va arriver où là on va un petit peu commencer vraiment à se projeter dans le jeu et surtout bah, le côté orga prend le pas sur le côté PJ et PNJ qui vraiment s'approprient l'événement, se font leurs propres liens, leur propre histoire, vont un peu étoffer leur communauté puisque moi je donne quelques guidelines mais ça reste assez libre. Donc voilà, c'est grosso modo d'ici 1 mois, c'est là où il y aura vraiment le vrai foisonnement, quoi. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport aux raisons du pèlerinage et par rapport aux attaques possibles, hein, puisque c'est le fait de marcher sur une route, peut se passer tout un tas d'événements. Il y a de nombreux pèlerins et pèlerines qui sont des pèlerins et pèlerines mendiantes qui échangent le gîte et le couvert contre des prières pour leurs hôtes et hôtesses. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se déplacer avec très, très peu de possessions personnelles, souvent bah, le manteau des pèlerins et pèlerines, et bah, une couverture, et parfois une besace avec bah, une gourde et un tout petit peu de victuailles, mais la plupart du temps, ils se promènent sans rien. Donc, ça permet aussi de pouvoir limiter les attaques, puisque quand on possède rien, bah, ça ne sert pas à grand-chose de nous attaquer. C'est intéressant que tu précises ça. Ouais, du coup, c'est, bah, on va ça sera abordé en fait sans doute le différentiel un petit peu de richesse et d'intérêt pour les brigands aussi, hein, puisque du coup, effectivement, tu peux jouer un pèlerin qui est vraiment sans le sou et voire même qui est dans le dénuement calculé. Voilà, c'est effectivement puisque si tu m'en dis, ben tu vas pas te faire attaquer par les brigands. Et encore que, faut que tu saches que du coup là, on est dans une version différente, hein, c'est une uchronie, et notamment il y a un problème qui est l'oubli, les gens perdent la mémoire, et du coup en fait les brigands peuvent aussi te voler tes souvenirs, peuvent te voler ta mémoire, ce qui fait que la plus démunie des personnes peut quand même se faire détrousser. Et puis par ailleurs, il y a une communauté où ce sont les nobles, donc ça c'est des gens qu'on peut imaginer cousus d'or, quoi, et du coup bah, qui vont avoir des enjeux très différents parce qu'eux ils savent que évidemment les brigands vont pas les enfin vont s'intéresser à eux. Et puis bon, il y a des dangers autres que les rencontres avec les brigands, quoi. Je veux pas Oui, trop ça j'aurais bien spoiler, mais compris. il y a d'autres dangers, quoi. Oui, mais effectivement, ça ouvre aussi le pèlerinage à toutes les couches sociales de la société médiévale. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, hein, puisque moi j'ai une petite maison en Ariège sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai déjà accueilli chez moi plusieurs pèlerins et pèlerines. Hein, j'ai un petit terrain que je mets à disposition. Et notamment, une fois, j'ai eu un pèlerin mendiant. Se promener et qui échangeait un petit peu de main-d'œuvre contre le gîte et le couvert. Donc ça c'est encore aujourd'hui, c'est pas perdu. Et quand tu t'es fait déjà tes 6-7 heures de marche dans la journée, ça doit être faut avoir le moral quoi, pour refaire des petits travaux le soir. Et oui, effectivement, mais bah là c'était un jeune confession catholique hein, qui faisait ça. C'était sa volonté d'être, voilà, d'être dans le dénuement pour voir un petit peu ce que ça donnait aussi. Hein. Donc, il y a tout un côté philosophique, hein. Notamment bah, au Moyen-Âge, on donne beaucoup aux pauvres. Hein. Même surtout les nobles, les bourgeois et les bourgeoises, hein, c'est bien évidemment encouragé de passer du temps à aider les communautés les plus pauvres. Ça permet d'avoir un peu des points pour entrer au paradis aussi, hein, si on pouvait parler d'une sorte de permis à points. Donc, c'est très fréquent que les personnes nanties. Se mettre à disposition des communautés les plus pauvres pour bah, leur apprendre à lire et à écrire, leur amener à manger. Il y en a qui font que donner de l'argent, mais il y en a qui vont même Du rentrer dans temps, des quoi. ordres temporaires pour pouvoir aider en étant très pauvre, hein, en étant démunis sur un moment donné des personnes dans le besoin. Donc D'ailleurs, il y a il une y a une. communauté de PJ s'appelle les charitables sur le GN et qui sont du coup D'accord. effectivement voués à ça, quoi, à la charité, quoi. C'est très bien vu en tout cas. Alors, il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps. J'avoue que j'ai beaucoup orienté le débat. Peut-être que ce serait bien que je vous donne un peu plus la main. Là, il nous reste un quart d'heure, quoi. Peut-être Juliette en premier, parce que je crois que tu vas peut-être bientôt nous laisser. Est-ce que tu as une remarque, une question, un conseil, enfin, sur quel sujet tu voudrais qu'on aborde maintenant? Moi, j'avais une remarque générale par rapport à votre organisation ou votre association. Moi, j'ai été très, très agréablement surprise par rapport à l'inclusion que vous faites, même d'inclure les personnes, par exemple, non binaires dans cette invitation, sur cette réunion, de proposer des repas végétaliens. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui manque beaucoup pour moi sur la plupart des GN. Et du coup, je voulais le souligner parce que je pense que il faudrait que ça se démocratise un petit peu plus. Donc, je trouve que votre approche du GN en général et en particulier par rapport aux personnes qui seraient intéressées pour venir sur votre jeu, je trouve ça très inclusif hein, et très respectueux des personnes. Et voilà, j'avais ça, envie de dire ça. Bah, je te remercie beaucoup. Sur l'aspect repas végétalien, donc on a un cuistot qui fait des merveilles, hein, il a fait une demi-douzaine de sessions des centres où il a fait la cuisine. Donc à chaque fois, il arrive à trouver un repas végétalien qui soit immersif, hein, qui soit en lien avec le thème. Donc médiéval, en plus on a déjà fait du médiéval avec lui. Donc là, on va encore discuter ensemble pour essayer de trouver quelque chose bah, qui colle vraiment à la thématique et qui reste végétalien. Et puis pour le petit truc en plus, là, pour les non-binaires, on avait fait ça sur le précédent Medfan, mais on va le faire là aussi. L'idée, c'est que du coup, on a inventé, entre guillemets, notre genre non-binaire qui soit, on va dire, médiéval compatible. On a appelé ça le genre du Verseau, quoi. Donc du coup, on peut jouer un homme, une femme ou une personne du Verseau, donc qui est en fait voilà, une personne non-binaire, parce que le terme non-binaire est quand même très anachronique, donc on ne voulait pas l'utiliser. Donc on a utilisé ce concept-là de genre le genre du Verseau. Je pense qu'il faut aller plus... c'est pas parce qu'on fait un GN médiéval fantastique qu'on est obligé d'avoir un univers sexiste, raciste, non-inclusif. Hein, donc c'est la... Voilà, maintenant, au XXIe siècle, je pense qu'on peut largement travailler sur ces sujets-là. Et bah, félicitations, parce que moi, j'ai trouvé ça super classique. Bah, notamment, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pas, bah, par exemple, tu peux jouer un chevalier, tu peux jouer une chevaleresse. Enfin, effectivement, on n'a pas genré les professions, puisque bon, comme on trouve quand même toujours des exemples historiques de femmes chevaliers, de femmes puissantes, de femmes ayant des métiers, comment, type forgeron et tout, enfin forgeronne du coup. Donc, on laisse vraiment ça ouvert, quoi. Oui, en plus, c'est pas du tout aussi peu probable que ce qu'on peut imaginer dans notre image d'épinal du Moyen-Âge. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont des métiers qu'on n'imagine pas pouvoir être portées par des femmes à cette époque-là. Donc, en plus, c'est pas mal. Et par rapport à la nourriture végétalienne, la nourriture de base au Moyen-Âge, on mange peu de produits animaux. On va d'ailleurs plutôt manger du poisson. Il y a de nombreux jours où il est interdit de consommer de la chair animale. Et du coup, bah, la base de l'alimentation du Moyen-Âge, c'est quand même très végétalien. Donc en plus, en termes d'immersion, surtout si vous travaillez sur des recettes médiévales, pour moi, je trouve que ça rajoute un plus sur votre proposition. Et après, pour finir un petit peu sur ma participation à cet enregistrement, j'ai abordé très très légèrement le costume. Moi, ce que je peux éventuellement proposer en termes d'immersion, et que ce soit donc les personnages, peu importe leur statut social ou leur genre, c'est d'avoir la tête couverte. Puisque au Moyen-Âge, c'est un signe d'humilité. Bien évidemment, on ne rentrerait pas dans une église, dans un monument religieux, la tête découverte. Mais surtout, à partir du moment où on sort de chez soi, on a toujours la tête couverte. Et pour avoir passé plusieurs fois, que ce soit en costume médiéval, compatible, que ce soit sur des idées ou encore sur des GN, le fait de passer 2 jours avec un couvre-chef, quel qu'il soit, ça permet aussi de se mettre dans une immersion et c'est assez agréable d'avoir la tête couverte. Ça protège de la chaleur, ça protège du froid. On se sent quand même plutôt à l'aise. Donc, j'aurais tendance à encourager les gens qui se le sentent à inclure dans leur costume quelque chose à mettre sur la tête. Hein. Donc après, ils peuvent s'inspirer dans les mesures ou de dessins, mais ils peuvent aussi, pourquoi pas, créer ce qu'ils ont envie. Qui soit à la fois confortable, facile à porter, et pour garder toujours une espèce d'immersion et de se mettre dans la peau d'un personnage. J'avoue que tu viens de me faire penser à quelque chose, parce que moi, quand on parlait de la nourriture, là, moi, je fais un peu une fixette sur une forme de pain qui s'appelait l'oubli. L'oubli, c'est un peu l'ancêtre de l'hostie. Et c'est si j'ai bien compris. Non ? C'est une sorte de gaufre, les oublis. Je crois, ouais. Enfin, c'est une sorte de pain ou de pâtisserie avec. Non, il y avait un tampon dessus, quoi. Donc, il y a une espèce de seau, quoi. Et ça, c'est un peu l'ancêtre de l'hostie, quoi. Et donc, ça m'amuse beaucoup. Et puis, c'est en fait comme le thème de l'oubli, dans le sens perdre la mémoire et des nourritures magiques, est assez important dans les centres. Et bien, du coup, je mets beaucoup en relation avec ça, quoi. Donc, pourquoi pas une hostie que quand tu la manges, tu perds la mémoire ou des choses comme ça. Et on avait étudié, peut-être qu'on le fera, mais c'est assez peu probable qu'on fasse des oublis pour tout le monde, parce que voilà, si on est 60 personnes, voire 80 personnes, c'est un peu compliqué de faire 80 oublis, quoi. Mais je pense que dans le mois qui va précéder, en fait, on invitera les gens à faire leur propre oubli, quoi. C'est-à-dire que s'ils peuvent faire un pain avec un tampon quoi dessus quoi, une sorte de blason ou quoi que ce soit, religieux ou pas d'ailleurs. C'est peut-être rigolo que certains PJ ou PNJ qui se trimballent comme ça avec leur pain. Leur pain tamponné, blasonné, quoi. Sachant qu'en plus, on parlait des petites, des petites coutumes. Il y en a une qui est intéressante, c'est quand tu croises un étranger, tu peux demander l'eau et le pain et le sel. Apparemment, ça se faisait à une époque, au Moyen-Âge, quoi. Et donc, du coup, ça peut être intéressant qu'il y ait cette coutume de demander, d'offrir, en fait, le pain sur le chemin, quoi. Donc, de se rompre un petit peu des morceaux de pain et tout. Bon, normalement, on prend toute la bouffe en charge, mais ça, c'est un petit truc simple que peuvent faire les PJ et les PNJ. Se servir un bout de pain, se servir une boisson, c'est assez plus convivial et immersif, quoi. Je crois que j'ai une petite recette familiale du nord de la France. Je crois que tu me renseignes un peu plus avant. Mais oui, effectivement, oui. Avec le petit tampon, ça peut être intéressant d'avoir éventuellement un petit fer avec une petite forme qu'on peut faire chauffer à un feu pour pouvoir marquer les pains, puisque ça, c'est peu probable que les gens puissent le faire chez eux. Donc, ça peut éventuellement se réfléchir en termes de matériaux. Oui, peut-être voir si on peut fabriquer un tampon pour marquer les pains, même si je pense que normalement, c'est tamponné avant cuisson. Hein. Probablement, même peut-être cuit au tampon et sur le feu. Donc, après, sur la base du chapati indien, c'est à peu près ça. Hein. C'est souvent plus salé que sucré, puisque le sucre n'est quand même pas forcément accessible financièrement, même s'il est connu à cette époque-là. On sucre souvent au miel, en fait, ou avec des fruits. Mais effectivement, des petits pains salés comme ça, c'est quelque chose de très fréquent. De toute façon, le pain, c'est la base de l'alimentation médiévale, puisqu'on estime qu'il y a environ 1 kg de pain par jour et par personne de consommer. Ouais, du coup, on peut penser aussi, on l'avait fait sur le dernier Medfan, c'est du pain aux céréales avec des pains très riches en graines, avec des noisettes dedans, enfin des trucs, le pain qui est vraiment un repas complet, quoi. Et après, le concept du tranchoir hein, qui remplace l'assiette et qui va s'imbiber de sauce au fur et à mesure du repas et qui sera consommé à la fin du repas, effectivement, c'est très immersif aussi. Nous, on avait fait faire pour des banquets médiévaux avec mon association des pains un petit peu comme des pains arabes plats qu'on coupait en deux pour faire les tranchoirs et qu'on encourageait à consommer à la fin du repas, même si ça occasionnait quand même beaucoup de pertes, hein, puisque les repas étaient déjà copieux. Donc, ça fait peut-être contacter un boulanger ou boulangère. Voilà, exactement, tout à fait. De rajouter des petites sauces aux noisettes et dessus. Et puis, alors là, vous finissez avec un petit morceau de fromage pour les gens qui mangent des produits laitiers. Et là, on est quand même quelque chose proche de la perfection. Super. Juliette, je crois que tu devais nous laisser. Je te quitte pas, mais je prends juste de tes nouvelles, savoir si tu restes avec nous ou s'il est temps que tu partes. J'ai transmis l'information à ma famille, donc ils sont en visite. Hein, on est au milieu d'Albi, c'est beau, tout va bien. Donc, ok. Et les vacances aussi, un peu. Du coup, je vais quand même passer la parole à Laure, parce que si peut-être de ton côté, toi aussi, t'as une remarque, un conseil, une question qui te vienne. Remarque, conseil, non. Bon, en fait, ce que je peux te donner là, c'était aussi le point de vue de joueur par rapport à certaines choses que j'ai vues dans la présentation que j'ai trouvé très intéressante. C'est que moi, j'aime bien. C'est vrai que, voilà, chacun a son jeu, mais moi, j'aime bien quand c'est assez radical, donc avoir un jeu assez intense qui, quitte à ce que ça secoue un petit peu par moment. Et je trouve que c'était bien amené, effectivement, et que tu prévenais bien les gens que pouvait y avoir des drames et des choses qui pouvaient être assez dures pour les joueurs. Et par contre, évidemment, je trouve que la précision sur le fait que c'était en fonction de chacun, il n'y a pas d'obligation à vivre du drame si on ne veut pas en vivre, c'était assez bien amené. Et du coup, moi, de mon point de vue de joueur qui a envie de vivre des choses fortes, des vraies émotions, c'est une des choses qui m'a accroché quand même pas mal sur la présentation du GN. L'idée, en fait, c'est la proposition, elle relève de ce que j'appelle, peut-être pompeusement, j'en sais rien, le design inclusif, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer sur un même GN un bouquet d'expériences différentes. Donc il y a effectivement, bon, moi j'avoue que je viens de la scène drama, hein, donc effectivement j'ai mis beaucoup de drama, il y a beaucoup d'éléments drama dans le GN, hein, c'est évident. Mais néanmoins, il y a déjà, comme tu le précises très bien, il y a possibilité d'esquiver ça, quoi. Déjà en choisissant des personnages qui ne sont pas impliqués dans des trucs trop drama, justement. Enfin, ça dépend du personnage que tu choisis, beaucoup. Et puis, il y a tout un tas de codes de sécurité émotionnelle pour esquiver des scènes, esquiver des types de relations ou d'interactions qui te mettraient mal à l'aise, quoi. Mais par ailleurs, on va retrouver des choses qui sont plus. Tu peux bah déjà, t'as le côté promenade, contemplation, découverte. Il y a des mystères, il y a un petit peu d'enquête. Il y a aussi un côté un peu horreur puisqu'on a on a les Orla, hein, qui sont des créatures non humaines qui vont un petit peu mettre leur grain de sel là-dedans. Et puis tu vas aussi avoir le côté combat, le côté social, jouer les relations, enfin aller à la rencontre des différents PNJ, des différentes communautés de PJ, puisque les communautés vont aussi se fréquenter les unes les autres au début et à la fin du pèlerinage, quoi. Et donc l'idée c'est que voilà, t'as une espèce de bouquet garni, une espèce de coffre à jouer d'interactions très différentes en termes d'ambiance, et puis c'est à chacun un petit peu de picorer, puis de trouver son propre assaisonnement qui lui convienne, quoi. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment relevé, qui m'avait beaucoup plu, et puis la notion aussi d'impro, dans le sens où, enfin, ce qui est intéressant, c'est que bah, justement, on parlait tout à l'heure de la création de personnages et des raisons, par exemple, mais même si les raisons ne sont pas, dans un premier temps, celles auxquelles tu aurais pensé, mais les raisons en elles-mêmes, c'est une phrase. Et donc, tu peux l'interpréter à ta manière, et ça t'amène à effectivement à improviser ton personnage, à improviser tes dialogues en fonction de ces éléments que tu as qui sont à la fois qui sont à la fois concrets et qui peuvent aussi être ouverts à interprétation. Et je pense que ça peut donner deux choses qui sont intéressantes, c'est cette improvisation et une évolution du personnage en fonction des rencontres, puisque justement à partir du moment où tu es beaucoup sur de l'improvisation, tu vas beaucoup plus nourrir ton personnage que si c'est très très directif. Bah, disons qu'on a essayé de trouver un compromis. C'est pas de l'impro total, genre ton personnage c'est un ticket de métro et puis tu bricoles autour, quoi. Quand tu fais la création, je pense que tu as quand même remarqué qu'il y a quand même pas mal de, il y a pas mal d'informations en réalité, quoi. Ouais. Mais néanmoins, tout est ouvert à interprétation. D'une part, hein, puisque bah, comme tu l'as précisé, souvent quand même, chaque point, par exemple, tu as une quête, par exemple, ta quête, ça peut être d'essayer de tuer, parce qu'il y a une, attention, petite rumeur, apparemment, il y aurait une reine qui ferait le pèlerinage incognito, et il y en a qui ont pour mission, c'est de tuer la reine. Mais tu sais pas pourquoi tu veux tuer la reine, quoi. C'est à la joueuse de se faire sa petite histoire de pourquoi elle veut tuer la reine, quelles sont ses motivations, qui lui a demandé de faire ça, et compagnie. Et par ailleurs, tous les points de la création de personnages restent facultatifs, quoi. C'est-à-dire que en cours de jeu, t'as quand même le droit, parce que tu parles, le jeu t'emporte dans une direction imprévue et qui te plaît, t'as quand même le droit d'abandonner une partie de ton background pour plonger dans l'inconnu, quoi, si tu veux, quoi. Donc on a essayé de trouver un compromis entre un squelette quand même assez solide et des capacités d'appropriation et d'impro qui restent importantes, quoi. Ouais, d'ailleurs, je crois que tu me corriges si je dis une bêtise, mais tu peux même changer entre guillemets de faction si tu es noble et que tu as envie de passer dans une autre faction à un moment pour une raison X ou Y. Si tu peux trouver les raisons pour le faire, je sais pas si c'est. Oui, c'est ça. Il y a quelques objectifs relationnels quand même, donc il y a des choses qui scriptent un peu le personnage, mais. N'empêche que la feuille de personnage insiste beaucoup sur ton identité au début du jeu, tes capacités, ce que tu sais faire, l'allégeance que tu as, effectivement, c'est qu'une allégeance de début, donc tu restes libre de beaucoup de choses, de changer d'attitude en cours de GN, et effectivement, en termes de jeu, ça se traduit que tu peux à un moment, si tu décides d'abandonner ta communauté alors que tu es sur le chemin, soit tu vas marcher plus vite qu'eux, tu vois, puis essayer de rattraper la prochaine communauté, soit au contraire, tu vas te laisser distancer, et puis attendre que la communauté suivante vienne pour espérer les rejoindre, voire même car carrément tout simplement faire la suite du chemin en solitaire, hein, ce qui reste possible. De toute façon, il y a également des PJ solitaires, hein, qui ne sont pas dans des communautés, qui vont et viennent, quoi. Ouais, voilà, moi c'est vrai que ce côté-là m'avait vraiment beaucoup plus cette espèce de liberté que tu as entre la création du personnage et finalement ce qui sera à l'arrivée, quoi. Super. Bah écoutez, là je pense que on est assez proche d'une heure d'émission. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour de ce qui était intéressant à défricher dans un premier temps? Bah, merci déjà pour ce qu'on a là sous les yeux sur l'écran de l'ordinateur. Enfin, je trouve qu'il y a un boulot qui est super intéressant, qui ne manque plus que des bons participants et ça va être un bon moment, quoi. Donc, et puis merci de nous avoir aussi donné quand même la parole pour s'exprimer là-dessus. C'est plutôt sympa. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je trouve que c'est déjà un travail qui est assez abouti. Effectivement, on est à 2 mois du GN. Toutes les informations sont déjà présentes depuis un petit moment et ça laisse effectivement, hein, comme on a dit en résumant, beaucoup de liberté et d'interprétation et de rôle choisi, de changer, d'évoluer et tout ça, ça donne effectivement envie de faire un beau GN, hein, et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre dans cet événement. Eh bien, je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. Voilà, donc il reste plein de places, hein, en tant que PJ ou en tant que donc il reste des places PJ, tarifs pleins, des places tarifs solidaires, il reste des places PNJ, hein, qui sont comme d'habitude sont beaucoup moins chères que les places PJ puisqu'en fait vous payez juste le repas. Et voilà, donc si vous avez pas encore pris votre décision, bah, on vous attend sur le chemin. J'espère qu'on a pu lever quelques incompréhensions et de toute façon je reste joignable s'il y a d'autres questions. Et voilà, donc on va se laisser. Au revoir. Alors. Au revoir.